Histoire de deux frères siamois. Vous avez tous appris par cœur cette fable de la fontaine, où un vieillard à son lit de mort conseille à ses enfants de rester unis, s'ils tiennent à prospérer dans la vie. À qui cette recommandation peut-elle mieux s'adresser qu'à deux frères siamois qui, tant qu'ils sont unis, peuvent se faire jusqu'à 150 francs par jour dans un cirque, alors que s'ils s'avisaient de se séparer, ils gagneraient péniblement chacun 100 sous par jour à écrire des adresses de prospectus. J'ai connu à Londres deux de ces jumeaux unis, appelés communément frères siamois et dénommés scientifiquement xyphopages. Edward Edmund avait une fortune assez considérable qui les dispensait de s'exhiber comme phénomène. Edward était né à Manchester il y a 25 ans. Edmund était né également à Manchester vers la même époque. Ils se ressemblaient dans leur adolescence d'une façon extraordinaire, à tel point que les personnes qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche n'arrivaient pas à les distinguer. Pourtant, avec l'âge, des différences morales assez profondes s'accusèrent entre eux. Edward avait des goûts sévères et studieux, Edmund des instincts populaciers. Ce dernier ne se plaisait que dans la société des voyous et des buveurs. Le malheureux Edward, son livre d'études à la main, était obligé de suivre Edmund dans les tavernes et dans les bouges. Et quand Edmund entrait sous au logis, Edward, le rouge au front, était obligé de zigzaguer avec lui pour ne pas se faire de mal à leur membrane. Edward devint un érudit distingué, mais on ne put l'inviter longtemps au banquet des sociétés savantes, où le crapuleux Edmund, dès le potage, commençait tout de suite à raconter de ces histoires obscènes que les gens convenables réservent d'ordinaire pour la fin du repas. L'année dernière, Edward demanda la main d'une belle et riche jeune fille. Le mariage eut lieu en grande pompe. On fut bien forcé d'inviter Edmund, qui se tint d'ailleurs assez bien pendant la cérémonie. Il semblait que sa belle-sœur lui en imposât un peu. Dans le cortège nuptial, la femme d'Edward, Edward lui-même, Edmund et sa demoiselle d'honneur s'avancèrent tous quatre sur un rang au milieu de l'admiration générale. Edmund, le soir du mariage, fut très convenable et très discret. Il s'endormit le premier et fit semblant, le lendemain matin, de se réveiller très tard. Pendant la lune de miel de son frère, il s'adonna moins à la boisson, surveilla ses paroles et s'habilla proprement, puisqu'il sortait avec une dame. La jeune femme, ai-je dit qu'elle s'appelait Cecily, exerçait sur Edmund une grande influence. Au bout de quelque temps, il advint ce qui arrive bien souvent quand on introduit un célibataire dans un ménage. Des relations coupables s'établirent entre Cecily et le perfide Edmund. Pendant 6 mois, Edward ne s'aperçut de rien. Mais tout finit par se savoir. Edward trouva des lettres dans un tiroir mal fermé et apprit d'une façon irrécusable que sa femme et son frère le trahissaient tous les jours. Quel parti lui restait-il à prendre? Se battre en duel avec Edmund? Ce n'était guère conforme aux usages anglais. Il craignait aussi les discussions chinoises des témoins. Le duel au pistolet à 25 pas n'était guère possible, non plus que le duel à l'épée, avec l'interdiction habituelle des corps à corps. D'ailleurs, qu'arriverait-il s'il tuait son frère? Pourrait-il continuer l'existence commune avec sa femme, toujours ce cadavre entre eux deux? Il fit venir Cecily. À partir de ce jour, dit-il, vous ne profanerez plus le domicile conjugal. Partez. Bien, dit-elle. Bien, dit Edmund. je l'accompagne. » Le mari fut obligé de les suivre. Edmund installa Cécilie dans un appartement confortable, et comme tout finit par s'arranger chez les Xiphopages, ils vécurent tous trois très heureux.